Chapitre 197. Le mérite d'alléger les deux unités de prière facultatives d'avant le Subh, ce qu'on y récite et à quel moment. 1104. D'après Aïcha, radiyallahu anha, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, accomplissait deux légères raka'at entre les deux appels à la prière du Subh, entre l'adhan et l'iqama. Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version d'Al-Bukhari et Muslim, Aïcha, radiyallahu anha, a dit: il accomplissait, alayhi salatu wassalam, après l'adhan du Subh, deux unités de prière facultatives si courtes que je me demandais s'il y récitait la Fatiha. Dans une autre version encore de Muslim, Aïcha radiyallahu anha a dit: il accomplissait, alayhi salatu wassalam, après l'adhan du Subh, deux unités de prière facultatives légères. Dans une autre version, à l'aube naissante. 1105. Selon Hafsa radiyallahu anha, après l'appel à la prière du Subh, à l'aube naissante, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, accomplissait deux unités de prière légères. Al-Bukhari et Muslim. D'après une autre version de Muslim, à l'aube naissante, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'accomplissait que deux unités de prière légères. 1106. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait l'habitude de prier la nuit par paire de deux raka'at qu'il concluait à la fin de la nuit par une seule unité, witr. Il accomplissait alors deux raka'at avant la prière du Subh aussi rapidement que celui qui entend l'appel à la prière obligatoire. Al-Bukhari et Muslim. 1107. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, rapporte que dans la première raka'at de la prière facultative précédant le Subh, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, récitait habituellement: Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna. Dites: nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé. Sourate 2, verset 136. Et dans la deuxième, le verset: Amanna billahi wa shahad bi anna muslimoun. Nous croyons en Allah et sois témoin que nous lui sommes soumis. Sourate 3, verset 52. Selon une autre version, dans la deuxième raka'a, il récitait, alayhi salatu wassalam, ce verset de la sourate la famille d'Imran: venez à une parole commune entre nous et vous. Sourate 3, verset 64. Muslim. 1108. Selon Abu Hurayra, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a récité dans les deux unités de prière précédant le Subh: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. Dis: ô vous les infidèles. Sourate 109, dans la première raka'a. Et قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Dis: il est Allah unique. Sourate 112, dans la deuxième. Muslim. 1109. Ibn Omar, radiyallahu anhuma, a dit: j'ai observé le prophète, alayhi salatu wassalam, durant tout un mois. Il récitait au cours des deux raka'at facultatives d'avant le Subh, la sourate Al-Kafirun, numéro 109, puis la sourate Al-Ikhlas, numéro 112. At-Tirmidhi a dit: hadith Hassan. 1110.